ils s'achantent, ils détruisent tout. Puis la mort pleure doucement dans le cou du vent doux. Qui a dit qu'il fallait jouer au plus fou, au plus violent, au plus ripou. Pour voir à ses besoins, besoin de mettre ses craintes. Qu'ils comprennent que la guerre n'est pas faite pour tuer mais pour vaincre. J'observe tous, se sentent perdus, tous se lamentent. Mais éternellement souffrant et souffrante d'un mal commun, d'un même sale destin. Qui leur fait changer le plus utile pour le plus vain. Pas de vaccin, pas de remède pour ce chagrin. Chacun n'a qu'un cœur, mais tous n'ont plus de gagne-pain. Assis dans la désolation, mon royaume un tas d'ossements, mon trône des chairs pourries, ma couronne un cercle d'excréments. Des flaques de vin sur le sol où les ivrognes sont couchés pour longtemps. Trop longtemps. Africa, on y aurait réveillé, vous filez.